Unité 2. Thème l'école. Semaine 3 et 4. Page 36. Dans mon école, il y a 3 salles de classe et des toilettes. Au milieu de la cour, il y a le drapeau national. J'aime mon école. Dans mon école, il y a 3 salles de classe et des toilettes. Au milieu de la cour, il y a le drapeau national. J'aime mon école.